oh, Mabuga. Venez bouger ma boca, oh, Mandela. Venez toucher ma boca, oh, Mabuga. Venez bengue Mandela, oh, Mandela. L'Afrique demain Mandela, oh, Mabuga. Papa danser ma boca, oh, Mandela. Venez toucher ma boca, oh, ne touche pas la go. Si t'as pas la moulin. Ne touche pas mon gars. Ne si t'as pas la moulin. Ne si t'as pas la moulin. Ne si t'as pas la moulin. Poto poto. Et à Tito. Nous en monnaie en pas aimé. Il va peuple les hommes. Poisson cadeau, nos ouvertures, nos contributions.